Exercice 13, page 57. Je continuais à lire beaucoup, du coup, surtout des romans policiers aux pages jaunies. Ma chambre était petite, le bureau de bois brun occupait tout l'espace, laissé libre par mon lit de gamin.